Vous êtes donc en train d'écouter une radio associative, enfin les ondes en tout cas, d'une radio associative libre, 92.2 FM, c'est pas le nom de la radio, c'est l'onde donc, l'onde d'émission, et le nom de la radio c'est Canal Sud. L'émission que vous écoutez actuellement c'est Nuisance, Nuisance donc, le Nuisance du vendredi 21h20, en octobre 2010. Comme à son habitude, Nuisance explore toujours plus profondément la démence et le bordel déraisonnant. À part ça, rien à dire, plutôt tergiversé toujours, déblatéré. Toujours déblatéré. Toujours une tonne d'espoir dans cette émission. Une tonne. Espoir qu'elle finisse enfin. Les cris de la démence. Une base atrophiée par un sommet dépendant. Et le pendant ce temps, toujours tournant rond, on pourrait presque y croire. Quoique. Donc je vous parlais de base et de sommet. Eh bien, oublions les concepts. La base et le sommet sont inversés et donc il n'y en a pas. N'est-ce pas? Je me souviens, en montant, il y avait des gens bien, des gens bons, et des jambons blancs. Il y avait beaucoup de crétins aussi, beaucoup, beaucoup de crétins. C'était le bon vieux temps. Puis l'écoute se faufile comme un horizon lointain, toujours la romance d'aujourd'hui, la romance de l'histoire, nostalgique, qu'elle gise dans un amas de tribulations, cette histoire. Puisqu'elle y gît, dans cet amas. Instant, tout bascule vers une propreté absolue. Cette absolution, solution d'un tergiversant rapport à l'humanité. Discutaillance de pierre ou de bière, plutôt taillons nos bières en coin, L'angulosité me rentre dans l'œil, ça me gratte l'œil. Je ne saurais que dire, après un tel écueil ou un tel recueil d'absurdité. Par contre, le revers de la médaille, on ne la verra pas, la médaille, donc son revers non plus. Imiter le message en stéréophonie n'est pas une possibilité pour une édenture d'une oreille. L'édenture est donc cassage de dents. Le cassage de dents cliquant sur un clip. Je ne puis épuiser l'adaptation sans vous parler de la formalité. L'informel, ou plutôt la forme, donc de cette informelle situation nous contraint à vous conditionner comme nous le pouvons pour que vous puissiez supporter ce que nous vous donnons à faire sans que vous fassiez trop pleurer le soir en rentrant chez vous après un bon whisky, par exemple. Ou vous avez quand même la possibilité d'acheter votre bonheur. Où, me direz-vous ? Eh bien, achetez votre bonheur en boîte. En boîte de chaussures. Achetez votre bonheur en coquille d'œuf. Le bonheur est-il déraisonnable ? Déraisonnant ? Ou résonne-t-il toujours avec un tel engouement pour le salaire bien mérité que le bonheur s'estompe pour donner place à un kebab bien gras? Ou devrais-je dire à une baguette de pain avec sa miche de beurre et sa lichette de vin dans une heureuse des situations. car la chute dans le creux, hors de leurs mains, de toute la poussière qui rentre dans nos yeux. Et bien donc cette situation donc désituationnée ne donnera pas de résultat. Ça brûle, les câbles sont en train de brûler. Nous allons passer à la fibre optique pour mieux s'en sortir. C'est vrai. Ça grince dans les chaumières, les dents sont grinçantes. Donc coincées entre les dents, on trouve une dent de plus ou de moins qu'on peut enlever avec une pince à linge. Une pince étouffe. Continuellement atrophie mentale. Alors que d'aujourd'hui ira demain, les retards rattrapent les balais nocturnes. Ça suinte. Ça soupire. Ah, que ça soupire. Que de s'assoupissement. L'acide gras non saturé en sont en train de couler le long de mes chaussures paumées. En parlant de Relandas, j'ai un bœuf à vendre. son initiale présomption est toujours présumante. La roue tourne dans le mauvais sens de la marche. Espoir 2, joker 4, @2π7. La tour de Pise sur son piédestal est en train de tomber. Mettons le piédestal du bon côté. Pas voir, n'est-ce pas? Eh bien, c'est normal, vous êtes sur les ondes d'une radio Canal Sud. Il y en a beaucoup d'autres, mais cette radio est bien comme elle est, et c'est celle-ci que vous écoutez. Donc le 92.2 FM à Toulouse ou le canalsud.net sur le web. L'émission que vous écoutez actuellement, c'est Nuisance. Les aspirations de chacun sont respectées, comme exprimées verbalement ou non. Et aspiration, c'est donc comme un aspirateur à brossette, comme un épilateur à brossette ou comme une manche de pioche. Trèfle vert parfumé dans les annales du bac. Et un bacchic bacchiche. À votre santé, cher officier, nous n'en voulons qu'à la démesure. Ainsi soit-il. Je tousse, ça fait pousser les cheveux. Thank you. Autant fumer en tout sautant. C'est le comment tu le dis qui fait toute l'importance du truc. Donc en parlant de ça, cher auditeur ou auditrice, excusez-moi, un glaire m'empêche de vous parler correctement. Je vais donc renacler pour pouvoir évacuer la consistance phlegmique qui m'obstrue la pensée. Calme prévaut. Passe-moi le pernaud, mec. J'ai envie de me bourrer la gueule ce soir. J'ai quelque chose à oublier. J'ai mangé un rat. Un rat. Enraciné dans un trottoir. Le caveau fantastique, toujours caniveau. N'oblitère pas le poinçon. Le renaclement. D'un ton plutôt toussant. Disent-ils toussant. Touchant le point nervure hein, d'une incapacité raverbalisée, les dépassements, ou plutôt devrais-je dire débordements, d'un émotionnel confort ou d'une émotive pernicieuse, devrais-je dire perte de soi en direction de l'intro-arrière, comme vers l'extro-arrière, donneront une peine à poursuivre la voie sur la marche de la... sympathisation. N'est-ce pas gentil de voir une vie belle, belle comme sur les photos ? Qu'on nous vend sur les panneaux publicitaires. N'est-ce pas beau de voir des œuvres d'art détournées de leur fonction première, donc de ne servir à rien ? Pour donc servir enfin à la société. Quelle beauté ! Quelle sublime et grande beauté que ces faits agissants. Donc, que disais-je en parlant de nomenclature dorée il y a de cela quelque temps ? Dorure ratée sur un bouquin pourri qui pue le combat à mourir. Je n'y crois pas. Donc son. Parlons-en du son. Le son comme céréales, comme nourriture édentesque. Toujours l'enfer ou l'infernal. L'enferme en premier lieu. Ainsi le ton monte. Un instant. Jusqu'à ne pas atteindre le but. Volonté. Le sabotage est toujours possible. Le sabordage même. Il reste la possible alternative d'un étouffement dans l'œuf que ces gens n'auront pas vu car il y en a tellement, oui tellement, deux. Ils sont donc là et elles sont donc là aussi. Qu'en dire ? Qu'en dit ? La vie est-elle belle aussi ? Préfères-tu peut-être la rature à l'espèce d'expièglerie que je n'oserais énoncer pour vous ce soir ? Oh oui, espièglerie, malice, quel émerveillement. Bon, passons. Car ça suffit, je préfère ne pas vivre que de vivre votre vie. Et je resterai poli car il est quand même 21h45 et certaines personnes ne sont pas encore couchées. Alors au lit, allez au lit, avant que l'on entende les débordements d'un raté, sous-entendu image, / deux points transversal, point anti/ vtf.con. Avec une parenthèse, toujours le PS est là, le post-scriptum. Nous n'avons pas abandonné. Et ainsi de suite. Jusqu'à ne pas avoir oublié le rien. Le néant. Jusqu'à en être même. Soyons néant, ne soyons rien. Ne dérangeons personne, puisque les gens ne veulent pas être dérangés dans leur sommeil catatonique. Les émotions toujours branlantes et branleuses, branlette mentale que ces émotions-là. Plutôt prêter attention, vos nomenclatures dorées, comme je le disais un peu auparavant. Le Kercher d'or cette année revient au ministre Bessonc. Quel bon celui-là. La bossa nova que Carla a dansé avec Nico le soir de leur prétendu mariage sur un paquebot. Ou devrais-je dire sous le paquebot, il se passait bien des choses sous le paquebot. Des choses bien plus intéressantes que la salsa bossa nova de Nico Sarko avec Carla Nana. La rature de l'art, toujours racine d'un oubli, ne permet pas la pause. Il ne faut pas s'arrêter en si bon chemin. Ha, ha. Ainsi rire et faire rire, toujours les bouffonneries et la folie, nous feront rire comme la nervosité qui nous faisait rire et la violence aussi. Ha, hi. Ainsi saucisse ou même la chaussette entre mes seins ou dans mon sein que j'ai enfoncé bien profondément en me l'attachant avec un fil de fer et même que ça fait très mal. Ouille, houille. Ce fil de fer est barbelé, oh, quelle beauté que ce barbel. Hey, hey. Vous ne verrez pas la cloche ce soir, vous n'entendrez qu'un ting, un profond ting ordinatorial. L'ordinatorsion de Orion face à Vénus, le platoniciste Platon sur Pluton se ferait plutôt déverser un bain d'huile que de faire du monoï sur son beurre de karité. Ainsi va la vie, qu'à la fin, elle ne se brise qu'en mille morceaux, car épancher la soif d'être ne peut atteindre le but non recherché, car le but recherché doit l'être, car sinon il n'est pas atteint. Ne cherchez surtout pas à trouver une solution à votre problème, cela ne vient que de vous, c'est votre faute, c'est sous votre responsabilité à vous. Vous êtes de ceux qui croissent vers le bas, toujours pour le pire. Toujours pour le pire. Ainsi, vous avez peut-être une idée de ce que j'entends par le pire. Le pire est une société d'observation, de spéculation, de surveillance. Vous êtes surveillés, nous sommes observés. Et vous spéculez sur une possible éventuelle solution au problème qui n'existe pas, car le problème n'existe pas, car la solution est déjà posée. La solution est donc une destruction, totale annihilation d'un artiste émancipateur. Cela est non pris, comme con qui est presque pris la main dans le sac, avec, ou devrais-je dire sans, plutôt pourtant, la possibilité reste là que l'incohérence soit la volonté du Seigneur saignant, je veux dire bien sûr le bon steak qu'il y a sur le trône, oh pardon, excusez-moi, au pouvoir, le steak saignant, le steak tartare, moi ce que je veux c'est de la bonne barbac saignante et puante, de la viande morte. Donnez-nous de la viande morte, que nous grossissions et que nous devenions pâteaux, que nous ne voyions rien à part de la graisse qui nous cule du nez et que notre fessier s'en retrouve embourbé dans de la grasse animalité, toujours tergiversante, toujours vers le ciel, toujours terre, ciel, oh, son mari, mais quel mari, quel mari. Marie-Madeleine plutôt, oui, Marie-Madeleine, je parle de l'épouse, la sanctifiée et demeurante épouse du Seigneur, le Seigneur est avec nous ce soir, le Seigneur est avec nous ce soir. Vous ne comprenez pas le message divin, car il est incompréhensible, c'est comme le message humain, il est incompréhensible, d'ailleurs le message humain est que vous ne pouvez comprendre le message venant, car vous êtes subalterne, vous n'êtes rien, vous allez mourir comme ce que vous êtes, vous n'êtes rien, vous allez souffrir pour la société. Alors mourrez heureux, vous allez bientôt mourir, mourrez heureux. Bon, trêve de manipulatoire incantation, le débat est clos. De l'observation présente, présentielle, présentant son ciel, présentant son fiel, cette observation observante, obnubilante, discrète, furtive, cette réaction, devrais-je dire, cette réaction-là, cette observation, il a été chercher sa baguette de pain, et son vin, et son béret. Point. Il a été voir son courrier. Point. Il a dormi. Point. Et il est mort. Quelle vie, mes aïeux, quelle vie! Les anciens me l'avaient bien dit, avant ma naissance, c'était bien mieux. Je m'en souviens encore du vide, du néant, de la non-existence. Quelle bonté! Je devrais m'y enterrer dans cette idée-là. Comme ça, je ne penserai à rien et je ne verrai pas les mensonges qu'on me jette à la face, les stupidités, les incarcérations, les meurtres, les massacres perpétrés en mon nom. Autrement dit, continuons la stupidité. Rien ne vaut que la stupidité, la bêtise humaine, ça existe, donc profitons-en, ne soyons que des cons, nous ne voulons que mourir et nous ne voulons rien d'autre que la joie et le bonheur partout. Conscience qui te parle, entends-tu? Je t'entends, conscience qui te parle, qui t'entend. Je t'entends toi, et toi t'es là, mais moi je veux pas être là, alors je te laisse. Je t'attache au muret avant de te lâcher. Le vide. Tiens, le muret, c'est à toi. Tu peux le garder. Tu peux en faire ce que tu veux, je te l'offre. Tout le reste, ce n'est pas à toi. Compris ? Et la chaîne à laquelle tu es fixé et qui t'attache à ce muret, tu me la rendras à ta mort. Alors ne vous énervez pas, surtout restez sur vos culs tranquilles. Ce n'est pas à vous que je m'adresse. Vous êtes mort déjà pour moi. Et comme pour tous les autres, puisque pour vous-même, vous n'existez pas. La redondance. Toujours. Pénibilité. La redondance, toujours pénible, est alitée ce soir. Elle dort sur ses trophées. Elle a une tête de rhino, une tête d'hippo, une tête de singe. Elle a même des peaux de fessier. Qu'elle aura enlevé à quelqu'un de mort ou de vivant pour rigoler, peut-être. Alors parlons organique, parlons de tripes, parlons d'anus. Il est 22h, la censure est toujours là, mais je m'autorise des débats un peu plus débilitants à cette heure-là. Vous écoutez Canal Sud 92.2 FM et c'est l'émission de Nuisance qui a pour but de... Le message est clair. Ah, le bon vieux temps de la terminologie. Et donc la terminologie, comme nous le disions, était le bon vieux temps. L'absurde toujours incohérent. Le Mahamudra, le gros mélange, le gros bordel, la soupe cosmique. C'est une forme toujours, je devrais dire, ritualisante d'un contact. Incantatoire donc avec un extraterrestre. Je l'ai baptisé Burka. C'est un extraterrestre qui s'appelle Burka, je ne sais pourquoi. Je l'ai vu dans un rêve, il m'a dit « Fais de la musique, tu seras le plus grand héros de tous les temps, oh vas-y !» Et il m'a traité de Superman, je crois, un truc comme ça. Ou de Conan le Barbare, ou peut-être de Musclor. Je ne me souviens plus très bien. Toujours. Je cherche à puiser en mon tréfonds de mon âme. Pardon, ça me fait rire. Donc je disais, je puise dans le tréfonds de mon âme à moi, donc mon âme. Voilà, je puise dans le tréfonds de cette donc âme à moi pour vous trouver une repêche. Une repêche de du dépeçage du canal. Donc il y a un cadavre qui a été trouvé une quinzaine d'années, ou plutôt de quinzaine de siècles, voilà, une quinzaine de siècles, c'est plus crédible. C'est une nouvelle fraîche. Ce cadavre est donc venu du nord. Du nord. Il faut donc tuer les cadavres du nord. Tango, Charlie, Coco, Zabraville. Me recevez-vous ? Tuez les cadavres du Nord. Tuez le cadavre du Nord. Tuez les cadavres du Nord. Vous comprendrez plus tard, en le faisant, vous aurez une illumination, vous serez les héros de la nation. De la nation. Pour la nation. La vie est belle, croyez-moi. Quack. Bon, alors sérieusement, la vie est belle. Bon, ça va, hein. Ça va. On a compris. Par contre, ce soir comme d'autres soirs, il y a toujours la possible réaction qu'en plein mot, je sois coupé. Ou plutôt à la fin d'un mot, puisque je n'ose me couper et je suis tellement agressif avec moi-même, il vaut mieux pas que je me coupe, sinon je risque de me frapper très fort, et j'aurai des gros bleus, et tout le monde le verra, et ensuite je serai vraiment déçu de moi-même, et j'aurai honte, vraiment honte, mais alors terriblement honte de moi, vous comprendrez. Tout ça en système spéculatif, donc spéculatoire, spéculons, les spéculos. Spéculos, c'est une pub, je n'ai pas droit de faire pub sur cette radio, ceci est une pub sans radio, c'est une radio sans pub. Bon, en parlant de ça, Donc si vous avez trop honte de la vie, n'oubliez pas... Et si vous avez honte d'être vivant, n'oubliez surtout pas... Et toi là-bas, oui, toi, tu sais, eh bien n'oublie pas. Excusez-moi, cela ne me ressemble pas, mais je vais être positiviste pour une fois. Il y a encore de l'espoir sur cette terre, il y en a encore un peu. Plutôt mourir que de jeter une pierre à un assassin, oh oui, plutôt mourir de mes mains. La compréhension juste est soumise à un certain éveil. Cette attention est requise pour la compréhension juste. Si vous ne faites pas attention, vous ne comprenez rien. Si vous faites attention, vous ne comprenez absolument rien. Tant mieux. Justement, en parlant de rien, je n'ai toujours rien compris. Alors parlons-en du toujours, le toujours à jamais, le rien au tout. Je ne veux pas dire que le toujours est lié au rien ou que le rien est lié au toujours, ni que le tout est lié au toujours, ni que le tout est lié au rien, ni que le rien est lié au jamais ou que le jamais soit lié au toujours ou au tout ou au rien. Non, ce n'est pas ça que je veux dire. D'ailleurs, je ne l'ai pas dit. Ça va, ça passe. J'ai ton mal dedans là. Ouh. Allez, vas-y Norbert, mange un Dany, ça ira mieux. Ouh, ouais. C'est le bordel ce soir, on comprend rien. Je suis tenté de dire comme d'habitude. Oserais-je ? Non, pas ce soir. ceux qui peuvent le dire, ceux qui peuvent le dire. Ce qui arrive à exprimer donc ce que je disais tout à l'heure, précisément, ce que je disais tout à l'heure, au moment précis où je l'ai exprimé, dit, je veux dire, donc je veux dire que je l'ai dit tout à l'heure, donc vous devriez savoir que j'ai dit ça tout à l'heure, donc précisément ça que je voulais dire tout à l'heure, et bien justement, et bien c'est dit. On peut passer à un autre sujet. Il y a donc un passage toujours possible et obligé que vous ne soyez pas obligé ou possible de passer par ce passage. Mais bon, on n'est pas certain à 100%. Il faut donc vérifier. On veut un volontaire. Un volontaire ou une volontaire, une volontaire. D'accord. Je me porte donc volontaire pour aller vérifier ce qu'il y a dans ce coffre-fort de banque plein de thunes. Oui, des volontaires, parfait, allez-y, foncez, foncez. Vous voulez de la thune, vous en aurez plein, plein de caillasses, plein de thunes, plein de flouze, du pèse. Ce qu'on veut, c'est des sous, on veut plein, plein de tout. On veut tout avoir, comme ça on manquera de rien. On pourra s'asseoir sur notre trône. Et chier un bon coup. Oui, ça fera du bien. Ça fera du bien par où ça passe. Ouais. Et ce sera bon pour une fois. Je serai heureux. Je serai heureux d'être moi. Et je serai pas une bête abîmée par la thune de merde. Je serai quelqu'un de bien. Dans mon cœur. Dans mon âme. Jusqu'à la mort. J'aurais atteint mon but, quoi. Pas d'inquiétude ce soir. Il est 22h20. Allez, une petite rubrique bilingue. I'm gonna speak in English. Voilà, c'est fait. On a une rubrique bilingue ce soir. J'ai vraiment pas envie de vous parler dans une langue que vous ne comprenez pas. Je veux bien que vous compreniez ce que vous disiez. Je vous disais donc qu'il y a une importance à ce que je dis. Ce n'est pas l'incohérence, c'est la rationalisation de la connaissance qui prime. Non, l'incohérence et toujours les déblatérations d'insanité ne sont pas les sources premières. Les sources premières sont donc la raison, la rationalisation donc de l'industrialisation qui va s'aliter bientôt en pensant à vous très fort, mais non pas encore, car j'ai encore bien des choses à vous dire ce soir, j'ai encore bien des choses à vous dire, et donc ne me censurez pas, oh non, ne faites pas ça surtout. Ça crisse les pneus, hein. Ça crie les chutes du Niagara. Ça vombrit le moteur. Ça rugit le démon. Le démon de minuit. Il n'est pas minuit, mais vous êtes bien sur Canal Sud 92.2 FM ou canalsud.net. Et c'est l'émission Nuisance. Nuisance, c'est une émission. Je veillerai à vérifier l'étymologie du mot émission, donc qui doit venir du verbe émettre, qui doit venir d'une langue ancienne, je dirais même antique. Oui. je spécule peut-être, ce serait peut-être du sumérien ou un autre mésopotamien ou caucasien du nord ou du sud, peut-être d'est en ouest, quoique le centre me paraît bien choisi pour être bien placé. La balle est aux prisonniers. Et oui, pour eux ce soir, les prisonniers, vous avez la balle. Ça doit vous faire une belle jambe, n'est-ce pas ? Bon, plutôt que de dire des conneries, parce que là il est 22h20, il faut que je dise des trucs dégueulasses, des trucs pourris, parce que ça me fait chier et que j'en ai rien à foutre de rien. Voilà, c'est tout, c'est fait. Il en va de ma réputation, bien sûr, que les débilités, toujours pernicieuses et invalidantes, seront présentes ce soir pour vous. Oui, cher public, vous verrez un fou en liberté, en semi-liberté, on va dire, en liberté atrophiée. Quelle chaleur dans les studios. Quelle chaleur. En fait, des studios de radio, c'est comme une camisole. Ça vous tient bien au chaud. Et pendant que vous avez chaud, vous ne pensez absolument à tout. C'est on ne peut plus clair. Où est l'église de la Scientologie quand on en a besoin? Quand on en a besoin, ouais. C'est clair. Salut mec, ça va toi? Bienvenue dans les studios de Canal. Je vous présente Bob. Ouais, j'ai rien compris à ce que tu m'as dit, tu peux répéter? Ouais, là je comprends mieux, là. Là je comprends mieux. Il faut prendre le temps dans la vie, tu sais. Alors mec, meuf, je te disais donc tout à l'heure, il y avait un truc sur la tranche de pain, là. Je veux dire, la baguette, tranche de pain épinard, avec béret et moustache et barbe blanche. Eh bien, il y avait un truc, je vous disais donc... Ah oui, je vous parlais de la base. Donc la base aliénante de l'aliénation aliénée, donc la base. Vous comprenez? Parce que l'image mentale que l'on a de la base est toujours celle que l'on nous projette donc dans un cadre écraniel, ou je devrais dire écranciel, tout à fait macramé. C'est tout à décomposer, bien sûr. C'est une composition libre. Non, pas libre. Il ne faut pas affirmer sa liberté. Il faut être libre. Oui. N'affirme pas notre liberté. Soyons libres. Bon. Le débat est clos. En ce qui concernait donc le tourment, il était sujet du tourment. Le tourment est donc un phénomène, un effet certes néfaste, issu donc encore une fois de la base, n'est-ce pas? C'est donc la base qui fait tout, comme l'on nous a appris à l'école. n'est-ce pas ? À l'école, donc dans le système éducatif national, français ou d'autres. Enfin, en l'occurrence, on va parler de celui-là. Ça fait tout. Ça fait tout. Ça fait tout. Bon, dans les cœurs et dans les âmes et tout ça. Et on parlait donc de la base. La base, c'est pas mal, mais il y a mieux. Il y a le sommet. Le sommet est tout. Soyez le sommet. Prenez le sommet en vous. Comprenez le sommet. Soyez le sommet. Et ensuite, tuez le sommet. Ce n'est pas un appel au meurtre, bien sûr, ni un appel au suicide. C'est un appel ou c'est un ordre. D'où l'absurdité. Non, je veux dire un ordre, c'est absurde. Oui. En parlant d'ordonnée et d'abscisse, je vous rappelle que vous êtes sur Canal Sud 92.2 FM ou Canal Sud.net sur le web. Cette radio est située dans la localité de Toulouse-Franche et au 40 rue Alfred Duméril. Le téléphone, c'est le... Notez-le. J'ai dit notez-le. Non, c'est plaisant. Sinon, le site web, c'est canalsud.net. Et donc, le numéro de téléphone, c'est le 05 61 53 36 95. Je répète, le 05 61 53 36 95. Nous avons exploré donc des prises de vue prises dans un local abrité avec un toit, des murs, des posters au mur et du liège. Un pan entier de liège collé à un mur donnant sur un escalier en bois, mais pas en colimaçon. L'abbaye observée sur un poster géant dans le coin me rappelle étrangement un lieu que j'ai connu. Ce lieu, donc, je l'ai connu dans mon enfance. Et la beauté vient de la marguerite que je cueillis cet été. Vous me croyez, j'espère. Non, je veux dire quand je parlais de beauté. Bon, vous avez bien compris, c'est pas une émission qui parle du beau ici. On parle pas du beau. Non, on n'a rien à faire du beau dans Nuisance. Nuisance, donc, c'est une émission qui se concerne, qui se concerne vraiment à apporter du lait sur Terre, du lait avec un dé à la fin, comme déblatérer des insanités pendant 2 heures, dire des conneries, et on en a rien à foutre de rien. Donc vous avez compris, c'est un truc vachement sérieux, qu'il faut comprendre le message et que c'est vachement profond. D'ailleurs, c'est vachement politique et c'est vachement artistique, vachement créatif, c'est vachement bien. Écoutez ça plus souvent, vous verrez, vous n'en sortirez que rassasié. rassasié. Ouais. Rassasié, donc, qui rime avec traumatisé. Étrange coïncidence. Donc, comme je vous le disais, l'émission Nuisance se consacre à une musique. Une musique improvisée, libre, expressive, qui donc dénote d'un certain brutisme. Le brutisme, le terme date d'un mouvement artistique qu'on appelle le futurisme, italien notamment, avec un traité, donc l'art des bruits, Arte del Rumore. Par Luigi Russolo, qui date de 1918, je ne sais, quelque chose comme ça. Bon, c'est un truc vachement ancien. Et tout à la fois vachement moderne. Enfin, je veux dire post-moderne. Actuel, non, post-actuel également. En fait, on n'a qu'à dire post-post, ça anticipe un peu et on y est presque. Ensuite, on peut rajouter un néo dans le truc. Donc un néo-post-néo-post-post-néo-post-post-post-néo. Ou un néo-post-post-post-néo-néo-post-post-néo-néo-néo-post-post-néo-néo-post-post. Tout cela dépendant bien sûr de la conjecture actuelle. Conjecture donc comme interjection. Et non comme interlocution du verbe locuter, comme s'électrocuter. Ou s'étouffer sur un glaire. Un verbe donc qui nous vient d'un antique langage que je ne saurais nommer Luchu, n'étant pas linguiste. Par contre, des étudiants m'ont informé qu'il y avait un cours de langue au Birae, je crois. Peut-être. Il y eut un temps, peut-être, un cours de langue au Birae. Qu'importe. Non, le débat est clos. Par contre, oui, je m'auto-censure en me couvrant la voix. En me couvrant la voix donc de musique bruitiste, comme je vous disais, de la musique bruitiste, c'est une musique à base de bruit ou en résultant de bruit, résultante, vacarme, cacophonie. Dodécacophonie. Dodé, quelques cocophonies. Enfin, tout ça, bien sûr, dans un esprit de didactique. Donc, didactique, c'est-à-dire, je vous enseigne un truc, tu vois. Vachement pédagogique, en fait. Je vous enseigne donc comment enseigner la pédagogie. Je vous enseigne donc la pédagogie du bruit, quoi. Enfin, un truc comme ça. C'est vachement bruyant, brouillon également. On qualifierait ça son garage au fond. C'est une devant et c'est une au fond. Base électronique, à base de guitare, d'effets, à base d'ordinateur. Matière sonore. C'est-à-dire la matière, c'est le son. Donc. On peut aussi se prendre ça, donc l'art des bruits ou l'art du bruit. Chacun l'entend comme il veut. Ou elle. But visé donc étant la pénibilité, nous rapprochant donc d'un mode imitatoire de la vie réelle, toujours donc un mode artistique, une création, je vous le disais, libre, improvisée, expressive. D'une pénibilité atteinte par des êtres sensibles, peut-être. Je n'ose l'affirmer coup pour coup. Pour coup, pour coup, pour coup. Vous avez pu écouter Noise Opera, expérimentation du 7-10-2010 et du 3-10-2010 que vous êtes en train d'écouter actuellement. Donc, avec des synthétiseurs sur ordinateur. Je vais mettre quelques titres d'un album phare de moi-même, pour moi-même, donc un album phare de plus en anglais qui signifie mort. Donc en fait plus en français qui signifie plus en français, mais mort ça signifie plus en français, mais mort donc ça veut dire plus en français, mais en anglais ça veut bien dire plus et donc c'est mort. Mort, ça a été fait, donc c'est du montage avec de la déformation, distorsion, avec des effets numériques. Digitalisé. Vous en aurez qu'un pendant quelques minutes et en fait, puisque c'est une émission libre, blablabla, eh ben, je vais me dire peut-être que je vais vous laisser un peu plus tôt aujourd'hui, étant un peu occupationné à m'activer le nord ou le sud. Comme ouest, est, toujours centriste, et donc ce que je vous disais, c'était plutôt on verra. Thank you. toi là-bas, te dis pas que t'es fatigué, dis-toi que t'en as marre, c'est tout. Un univers explosif où les autres ne sont pas. Les autres n'étant pas toi. Les autres étant leur propre entité, l'on roule les airs pour faire chier. Toujours moins le quart. Sur Canal Sud 92.2 FM, 11h moins le quart. Nous sommes vendredi, octobre 2010, à Toulouse. Et ils sont tous morts. Je ne sais pas où je vais aller. Ils sont tous en train de crever comme des rats. Qu'est-ce que je vais faire? Qu'est-ce que je vais bien pouvoir me faire, surtout, à manger ce soir? Du cassoulet. Chouette. Ou plutôt, du taboulé. C'est bon, ça aussi. Et sinon, je me ferai peut-être une petite pénibilité. Allez. Bon appétit à vous et à vous. Et donc rendez-vous toutes les semaines, vendredi, 21h-23h, 92.2 FM ou canalsud.net, comme vous le savez peut-être déjà puisque vous êtes en train d'écouter, ou pas. Donc vous ne le savez pas. Si vous n'écoutez pas. Mais si vous écoutez, vous le savez. On est bien d'accord.